Le groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de Russie a publié le 14 une déclaration contre les menées anti-nord-coréennes des États-Unis et de la Corée du Sud. Il y a indiqué que les conservateurs sud-coréens doivent savoir correctement la raison de la possession nucléaire nord-coréenne et que la situation extrêmement dangereuse n'est pas due à la Corée, mais aux États-Unis.